les êtres circulent les uns dans les autres », écrit Diderot dans Le rêve de D'Alembert, un dialogue délirant rédigé en 1769. Il poursuit « Tout est un flux perpétuel, tout animal est plus ou moins homme, tout minéral est plus ou moins une plante, toute plante est plus ou moins animal, il n'y a rien de précis dans la nature. » Ce qui pose une question redoutable, et cette fois très précise. Si tout est dans tout, si les espèces, les genres, les sexes, les individus ne sont que des formes transitoires, alors d'où vient la vie ? Chez les chiens, les chats, les chevaux et d'autres animaux, la semence contenant des spermatozoïdes se forme dans des bourses qu'on appelle testicules. Voilà. Pénis. Il y en a deux. Pénis. Testicules. Et ça s'appelle testicule. Bien. Cette semence sort par le sexe. Non, mais je comprends pas. Ils disent, cette semence sort par le sexe. On sait pas où est le sexe. On sait pas ce que c'est le sexe. Contrairement à ce qui se passe chez les animaux, l'homme et la femme sont poussés à s'unir ainsi par un puissant élan d'amour et de tendresse. C'est drôle. Pourquoi l'amour et la tendresse, ça fait le bébé? Je trouve qu'ils ont mis des choses trop compliquées, des mots compliqués que les enfants ne comprennent pas. Bonjour François Pépin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous depuis chez vous ce matin. Vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Lamartine. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « La philosophie expérimentale de Diderot et la chimie, philosophie, science et art ». Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le dialogue, nous allons parler ce matin, le rêve de D'Alembert, pose à sa question aussi, à sa façon, pardon, la question de que nous sommes en train d'écouter, c'est finalement d'où vient la vie, quelle est l'origine de la vie, et c'est une manière de raconter une histoire à partir de cette question de l'origine de la vie, non ? Oui, tout à fait. C'est vrai que la question de l'origine de la vie se pose d'autant plus chez Diderot qu'on peut avoir l'impression qu'elle est partout. Et dans cette espèce de circulation que vous rappeliez au début de l'émission, on a l'impression qu'on a déjà quelque chose comme une vitalité, les éléments ont déjà une sorte de vie. Diderot d'ailleurs le dit ainsi dans les éléments de physiologie. Et on peut se demander si Diderot peut penser l'origine ou s'il n'est pas plutôt en train de nous mettre en quelque sorte face à une profusion de vie. Donc c'est vraiment une question, oui, tout à fait. Entre monstres, abeilles à 600 têtes, éléphants qui naissent de la poussière, gouttes d'eau qui abritent l'univers entier, ce dialogue est à la fois un texte délirant, je l'ai dit, mais aussi très instructif. Il y a une dimension scientifique dans le texte quand même, non ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette dimension scientifique se voit aussi dans les images. Il faut en quelque sorte rompre avec une idée qui pourrait être appelée positiviste, selon laquelle il y aurait la science d'un côté et une philosophie littéraire de l'autre qui procéderait par image. L'abeille que vous citiez il y a un instant est aussi une image prise par le médecin Bordeux pour penser en fait la question de l'unité ou la question du rapport entre les parties d'un animal. Et quand Diderot construit sa pensée à partir des images, bien sûr, il fait un travail qu'on peut qualifier de philosophique, peut-être même de spéculatif par moment, mais c'est quelque chose qui est aussi en prise avec les sciences. Il faut aussi voir que la science ne sera pas du coup quelque chose qui est réduit à des résultats, ni même à des méthodes, mais on va faire rêver un géomètre, on va faire converser un médecin. Donc il y a aussi cette dimension plus discursive, mais aussi peut-être aussi plus ludique de la science, que Diderot sait vraiment très bien mobiliser. Oui, et puis on rigole beaucoup en lisant le livre, vraiment, par tellement le... Il y a son sens des images qui est indescriptible, mais il y a l'art de mettre en scène des situations cocasses qui viennent trancher avec le sérieux des propos. Ce dialogue a une histoire intéressante, le rêve de D'Alembert, j'ai dit, il est rédigé en 1769, avec deux autres textes d'ailleurs qu'on trouve dans le même volume, mais il a été publié beaucoup plus tard. Comment ça se fait ? Alors, il y a probablement deux raisons principales. La première, c'est que, à cause de la censure, Diderot n'avait pas l'intention de le publier de son vivant, au moins avec son nom dessus. C'était assez évident pour lui, et depuis les 3 mois de prison causés par la lettre sur les aveugles, il était relativement prudent. Alors, cette prudence avait aussi ses limites. Dans l'encyclopédie, il peut être très audacieux. Mais enfin, pour ses ouvrages en nom propre, il a quand même estimé que il valait mieux faire attention. La deuxième raison, c'est que dans son entourage, d'Alembert pour commencer, on n'a pas trop apprécié l'ouvrage. Il ne l'a pas montré à beaucoup de personnes. Il avait un manuscrit qui était quand même tenu secret. Mais d'Alembert n'a pas apprécié son rôle. Il faut dire que Diderot lui fait faire un certain nombre de choses un petit peu étonnantes ou peut-être délicates à assumer. Oui, parce que d'Alembert existe vraiment. Il faut peut-être le dire. D'Alembert existe vraiment. Alors, d'Alembert existe vraiment. Julie de Lespinasse, qui est censée être sa maîtresse dans le texte, existe vraiment. Le médecin Bordeaux existe vraiment. Voilà. Alors, d'Alembert était un des plus grands mathématiciens, physiciens et aussi un des grands philosophes du XVIIIe siècle. Il était évidemment très proche de Diderot parce que tous deux étaient les directeurs de l'encyclopédie. Et au moment où Diderot rédige le rêve de d'Alembert, en 1769, les volumes de texte de l'encyclopédie ont déjà été tous publiés. L'aventure se prolonge avec les planches, mais on peut dire que le couple Diderot d'Alembert est peut-être un petit peu moins actif de ce point de vue-là, mais ils sont restés amis jusqu'à la fin. Et d'Alembert est aussi, dans le texte, un homme, c'est ça peut-être qui peut être un peu gênant, un homme à qui il arrive plein de choses, qui a une espèce d'indigestion de discussion, parce que dans le premier entretien, Monsieur Diderot et Monsieur d'Alembert parlent, et Monsieur Diderot dit à Monsieur d'Alembert, vous continuerez à penser à tout cela, vous verrez. Et Monsieur d'Alembert, en quelque sorte animé par ces paroles-là, physiquement, il lui arrive plein de choses, à la fin, ça se termine par une éjaculation un peu cachée, on a des petites notations, des remarques sur sa liaison avec Julie de Lespinasse et sur un certain nombre de points qui touchent à la sexualité. Oui. Donc on peut comprendre que d'Alembert ait demandé à Diderot en fait de lacérer, c'est-à-dire déchirer le manuscrit, ce que Diderot a fait, semble-t-il, mais il restait d'autres manuscrits, Dieu merci, si je peux dire, parce que c'est comme cela qu'on a pu avoir le texte, qui va donc avoir aussi toute une histoire un peu bizarre, puisque quelques morceaux vont être publiés pendant le mouvement révolutionnaire, mais pas le texte lui-même, comme vous l'avez dit, il est publié seulement en 1830, mais il y a quelques pièces qui vont être publiées par Naigeon, avec des mélanges bizarres, où il va mélanger le rêve de d'Alembert et les éléments de physiologie, il va recomposer un peu un texte. Et d'ailleurs, Naigeon va aussi mettre un peu à distance ce qu'il y a d'un petit peu déshonnête, comme dit Diderot dans le texte, c'est-à-dire tout ce qui va toucher à la sexualité, au jeu aussi, que nous apprécions tant, entre les personnages. Donc cet aspect-là, qui est typique du XVIIIe siècle, est aussi quelque chose qui pouvait ne pas plaire aux proches de Diderot ou à ceux qui voulaient assurer sa respectabilité. Et pourquoi lui-même tient à ce dialogue ? S'il l'écrit, c'est qu'il estime qu'il y dit quelque chose d'absolument essentiel. Oui, alors je pense que sur le plan de la philosophie et de l'écriture de Diderot, c'est un des textes vraiment majeurs, c'est un texte absolument fondamental quand on étudie Diderot, et pas seulement d'ailleurs, parce que c'est tout le paradoxe de la pensée de Diderot, c'est qu'elle est extrêmement puissante et novatrice, mais que la plupart des hommes de son temps ne le savaient pas, parce qu'ils n'ont pas pu lire le rêve de d'Alembert. C'était vraiment réservé à quelques privilégiés qui ont pu y avoir un accès indirect ou par quelques lectures. Et pour nous, c'est un texte vraiment très intéressant, à la fois par sa construction, très dynamique, très enjouée, par aussi la puissance des images, il y a beaucoup d'images extrêmement intéressantes, et par la question de, on peut le dire d'une manière très absolue, même si Diderot va subdiviser la question de l'origine de la vie, qui est une question évidemment redoutable, parce que pour un matérialiste, on peut considérer qu'il y a deux grands types de phénomènes qui sont particulièrement difficiles à expliquer par la seule matière, par les seules forces immanentes et matérielles agissant dans la nature, c'est la vie et la pensée. Et comme Diderot a tendance à considérer que le passage du sentant au pensant est peut-être moins difficile à concevoir que le passage de l'inerte au sentant, c'est finalement la vie le principal problème. Il faut, comme il le dit dans le texte, réduire en quelque sorte le prodige. Il y a un seul prodige, c'est le passage de l'inerte au sensible, mais quand on dit prodige, on renvoie à une puissance supérieure. Il faut réduire ce prodige, il faut être capable, non pas de l'expliquer en totalité, mais d'essayer de l'éclairer par des combinaison par aussi une hypothèse sur laquelle on reviendra probablement, l'hypothèse de la sensibilité potentielle de la matière. Donc il faut être capable en quelque sorte de, on pourrait dire, cerner ce phénomène de plusieurs manières pour essayer de l'apprivoiser, l'appréhender. Ça veut dire que pour Diderot, de la matière à la pensée, il n'y a pas un saut ? C'est-à-dire que c'est une question de degré, au fond, ce qui sépare la matière de la pensée ? Oui, on peut le formuler ainsi. Je pense que la grande innovation philosophique de Diderot dans cette question, c'est d'articuler deux choses qui semblent en partie contradictoires. On peut dire que d'un côté, il y a la question de l'organisation, c'est-à-dire l'agencement des organes, plus particulièrement pour la pensée, le cerveau, et un certain nombre d'apports de la chirurgie, de la physiologie, de la médecine de l'époque montrent que ce qui se passe dans le cerveau a des répercussions immédiates sur les facultés cognitives. Et Diderot l'étudie, Diderot le sait, ça c'est un premier aspect. Mais Diderot considère que l'organisation ne saurait produire des choses qui n'existent pas du tout, ou n'existeraient pas du tout au niveau de la matière inerte. Notamment, la sensibilité lui semble être quelque chose qui s'actualise plus que ça n'est créé par l'organisation. Donc il va à la fois tenir compte de la, on peut dire, configuration matérielle particulière qu'est un animal, et a fortiori un animal doté d'un cerveau comme celui de l'homme, mais il va aussi penser des processus d'actualisation. Comme vous le disiez, ça va être une question de degré. Donc la transition est graduelle. C'est pour ça aussi que dans la circulation entre les êtres, on a non seulement des passages, mais on a aussi des gradations. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que ça veut dire que les matières peuvent passer de l'inerte à l'animal, par exemple en digérant, mais il va leur arriver quelque chose comme une actualisation de certaines potentialités. Ce qui veut dire aussi que Diderot doit jouer sur deux niveaux. Le niveau de l'actuel, avec l'organisation notamment, pour la sensibilité, puis pour la pensée, puis aussi le niveau du potentiel, ce qui signifie que ce n'est pas seulement une question de degré, avec du plus petit et du plus grand, ou du plus faible et du plus intense, c'est aussi une question, on peut dire, d'état. C'est-à-dire que la sensibilité va connaître plusieurs états, dont deux principaux, l'état potentiel et l'état actuel. Mais les deux sont liés, c'est-à-dire que dans l'état potentiel, Diderot va quand même estimer qu'il y a un degré minimal d'actualisation. Il y a, on peut dire, toujours déjà une certaine réactivité, une certaine... Alors, vitalité est peut-être un peu fort pour les éléments les plus inertes de la matière, mais une certaine puissance qui rappelle, en quelque sorte, quelque chose de la vie. Vous dites, oui, encore un point, vous dites vitalité, c'est un peu fort. Vous n'inscrivez pas Diderot dans le courant vitaliste. Alors, je pense que si, on peut, mais il faut préciser. C'est-à-dire que c'est un vitalisme, s'il faut utiliser le terme, il est un peu rétrospectif, hein, parce qu'il n'apparaît qu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est un vitalisme qui serait celui de l'école de médecine de Montpellier, dont Bordeaux, qui est un personnage du rêve de D'Alembert, est un représentant éminent. Même chose, il y aurait Ménuret de Chambaud, qui est un des rédacteurs des articles de médecine dans l'encyclopédie. Et dans ce courant-là, l'accent porte principalement sur la spécificité du vivant, mais c'est une spécificité qui ne signifie pas que le vivant n'est pas matériel. Autrement dit, c'est plus par distinction avec des modèles, par exemple, venus du mécanisme ou venus de la chimie, qui prétendraient en quelque sorte annuler la différence entre l'inerte et le vivant. Cette école de médecine, qui intéresse beaucoup Diderot, signifie donc en quelque sorte, sur le plan philosophique, qu'il y a une spécificité de la vie. Sauf que, évidemment, si on pense les choses ainsi, on a du mal à imaginer toute la dimension matérielle, on a plutôt l'impression qu'on creuse un écart. Et ce que Diderot va essayer de faire, c'est montrer que cette spécificité de ce qu'on pourrait appeler la vie actuelle dans l'organisme, elle prend quand même origine dans des puissances matérielles plus fondamentales. Autrement dit, il va faire le lien, beaucoup plus qu'on ne le fait dans l'école de Montpellier en médecine, entre l'inerte et le vivant. Alors, si vitalisme veut dire la vie n'est pas matérielle, elle demande quelque chose comme une âme ou un agent supérieur, Diderot n'est pas vitaliste. Vitalisme veut dire tout est actuellement vivant, Diderot va quand même considérer qu'il y a des différences entre un organisme et la pierre. Mais si vitalisme signifie à la fois qu'il y a une spécificité de la vie et que cette spécificité dépend quand même de puissance profonde de la matière, alors on peut dire que Diderot est vitaliste. Je crois vous avoir dit que j'avais fait un dialogue entre D'Alembert et moi. En le relisant, il m'a pris une fantaisie d'en faire un second. Les interlocuteurs sont D'Alembert qui rêve, Bordeux et l'ami de D'Alembert, Mademoiselle d'Espinasse. Il est intitulé « Le rêve de D'Alembert » et il n'est pas possible d'être plus profond et plus fou. J'y ai ajouté après 5 ou 6 pages capables de faire dresser les cheveux sur la tête de mon amoureuse. Aussi ne le verra-t-elle jamais. Mais ce qui vous surprendra, c'est qu'il n'y a pas un mot de religion et pas un seul mot déshonnête. Après cela, je vous défie de deviner ce que ce peut être. Dans la goutte d'eau, tout s'exécute et se passe en un clin d'œil. Dans le monde, le même phénomène dure un peu davantage. Mais qu'est-ce que notre durée en comparaison de l'éternité des temps ? Moins que la goutte que j'ai prise avec la pointe d'une aiguille en comparaison de l'espace illimité qui m'environne. Suite indéfinie d'animalcules dans l'atome qui fermente, même suite indéfinie d'animalcules dans l'autre atome qu'on appelle la Terre. Qui sait les races d'animaux qui nous ont précédés ? Qui sait les races d'animaux qui succéderont aux nôtres ? Tout change, tout passe, il n'y a que le tout qui reste. Le monde commence et finit sans cesse. Il est à chaque instant à son commencement et à sa fin. Il n'en a jamais eu d'autre et n'en aura jamais d'autre. Dans cet immense océan de matière, pas une molécule qui ressemble à une molécule, pas une molécule qui ressemble à elle-même un instant. Vanité de nos pensées, ô pauvreté de la gloire et de nos travaux, ô misère, ô petitesse de nos vues, il n'y a rien de solide que de boire, manger, vivre, aimer et dormir. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de Diderot cette semaine aujourd'hui du rêve de D'Alembert en compagnie du philosophe François Pépin qui est avec nous depuis chez lui. On a dit que le texte était fou, François Pépin, on n'a pas assez dit aussi qu'il était magnifique, comme en témoigne le texte que l'on vient d'entendre, lu par Denis Podalydès. Un mot sur la mise en scène quand même, parce que ce qui est intéressant dans ce dialogue, c'est que comme D'Alembert est malade, il ne parle pas directement au début du texte, et c'est Madame de Lespinasse qui l'a veillé pendant son délire, qui rapporte les propos de D'Alembert au médecin, Monsieur Bourdeux. Et le texte que l'on vient d'entendre s'inscrit dans cette mise en abîme. Oui, tout à fait. Alors c'est une construction assez intéressante parce qu'on aurait pu penser que ça risquait d'être un peu lourd. On a le médecin qui vient donner une caution scientifique à un rêve un peu délirant, on pourrait dire mettre un peu de sérieux là-dedans. Et on a, semble-t-il, au début, la jeune femme qui ne comprend pas ce qui se passe et ne comprend pas l'intérêt de ce que D'Alembert a dit. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a quelque chose qui est un vrai dialogue, une vraie conversation absolument, effectivement, délirante par moment, mais très, très sérieuse. En fait, sur aussi les questions profondes. Et on voit que Bordeaux rencontre, comme dit Madame de Lespinasse ou Mademoiselle de Lespinasse, c'est-à-dire qu'il devine ce que D'Alembert a dit en rêvant. Donc, quelque sorte, il a imaginé, en tant que médecin et philosophe médecin, si l'on veut, ce que D'Alembert rêvant a pu dire. Et Mademoiselle de Lespinasse va au début avoir un rôle peut-être un peu second, mais très rapidement, elle réagit en posant des questions, en limitant aussi parfois les audaces de son interlocuteur, et en proposant, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure avec la lettre de Diderot, en proposant le sujet du dernier dialogue. Ce sujet un peu scabreux, c'est le mélange des espèces. Oui. La question de savoir si on peut faire procréer deux espèces ensemble, qui est une question de l'époque, qui est une question naturaliste aussi. Et là, Diderot va la poser à un autre niveau. Toutes ces questions-là montrent que c'est à travers ce qui est proposé par les personnages, aussi à travers la réaction, à travers parfois la nuance dans une proposition ou une réaction, que se joue aussi toute la subtilité de la pensée de Diderot. C'est un matérialisme qui se construit par le jeu qu'on peut appeler ici littéraire, et la beauté du texte fait partie, je pense aussi, de la profondeur philosophique de ce que propose Diderot. D'autant que ce qui est raconté ici, cette image du monde qui passe dans une goutte d'eau, que l'on voit à travers une goutte d'eau, fait référence à une goutte d'eau bien réelle, celle de John Needham, qui avait pour habitude justement d'observer au microscope les micro-organismes qui se développent dans une goutte d'eau. Oui, tout à fait. C'est une question qui intéresse beaucoup les savants et les philosophes de l'époque. C'est en fait l'apparition, semble-t-il du moins, de formes de vie dans un milieu qu'on peut appeler liquide. Donc on peut avoir, c'est surtout ce que Needham étudie, les infusoires, c'est-à-dire des espèces d'animalcules qui s'agitent dans une sorte de macération de plantes dans de l'eau. On peut avoir aussi des espèces de bébêtes qui apparaissent quand on mouille de la farine, etc. C'est ce qu'on appelle, en tout cas c'est comme ça que Diderot lui l'appelle, depuis Diderot on a repris beaucoup cette expression, c'est génération spontanée. Mm-hmm. Les générations spontanées, ça semble suggérer qu'il y a apparition de la vie. Mm-hmm. Alors ce qui est intéressant dans le passage qui a été lu, c'est que cette apparition de la vie, en fait, elle s'imagine. Parce qu'on ne la voit pas. On voit bien qu'à un moment donné, en gros, il y a quelque chose qui s'agite dans un milieu liquide, mais on ne voit pas très bien comment ça a pu se passer. Du coup, il faut imaginer les microprocessus. Mais ce que fait aussi Diderot, c'est une transposition. C'est-à-dire, il associe le microcosme et le macrocosme. La goutte d'eau peut devenir l'image du monde lui-même. Autrement dit, finalement, l'apparition d'un animal, c'est quelque chose qui est analogiquement assez proche de l'apparition d'un monde. Donc la thématique est ici assez atomiste, c'est pour ça qu'on va trouver Épicure dans ces lignes-là. Mais en même temps, elle est profondément, je crois, profondément renouvelée par Diderot, parce que la question des générations spontanées ne se pose pas, en fait, pour les atomistes, puisque, en quelque façon, la nature produit les êtres avec une sorte d'assemblage, un petit peu par une combinatoire. Et c'est ce qu'on pourrait appeler, semble-t-il, une génération spontanée. Mais ce n'est pas ça que Diderot envisage ici. C'est un point peut-être un peu technique, mais qui a son importance. C'est que Diderot pense le passage, ici, du végétal à l'animal. C'est-à-dire quelque chose qui est, dans son grand mouvement, dans sa grande pensée de la circulation des êtres, une étape importante. Et ça signifie aussi que Diderot va plutôt se tourner vers l'idée que les formes d'être, les formes vivantes, se produisent les unes à partir des autres. Ce qui n'est pas une idée de l'atomisme antique, hein, puisque pour Lucrèce, par exemple, qui est celui qui, d'après les textes qu'on a, le décrit le plus chez les atomistes, on a en fait la création à partir de zéro de toutes les espèces par la nature. Il refuse l'idée qu'une espèce soit produite à partir d'une autre. Mmh. Et donc ce que Diderot appelle les générations spontanées, ce n'est pas en fait la fabrication d'une espèce à partir de zéro, c'est plutôt comment quelque chose de végétal s'animalise, comme il dit. Donc c'est plus un passage qu'une création depuis le début. Alors la précision encore davantage, à l'aide de mots, concepts qu'on trouve dans le texte, il faut distinguer le continu du contigu. Quelle différence entre les deux, François Pépin ? Alors en fait, la meilleure manière de penser cette distinction, c'est encore de passer par une image que d'ailleurs Diderot emprunte ici à Bordeaux, c'est l'image de la grappe d'abeilles. Chez Bordeaux, cette image a une fonction assez particulière. Diderot va la renouveler parce qu'il va justement essayer de penser non plus à un assemblage d'éléments juxtaposés. Au début, les abeilles indiquent seulement, il faut les imaginer, comme telle un petit peu une grappe accrochée à un arbre, il faut les imaginer se mouvant ensemble, et quand on s'approche, qu'est-ce que on voit ? On voit qu'en fait, ce n'est pas un être, mais un ensemble d'êtres, et qu'il suffirait d'un coup de vent ou d'une envie d'une ou l'autre de ces abeilles pour que finalement la grappe disparaisse et qu'il ne reste que quelques milliers ou quelques centaines d'abeilles. Mmh. On ne peut pas penser l'organisme ainsi. Pour Diderot, il y a quelque chose de beaucoup plus intime dans les relations internes aux vivants. C'est pour cela qu'il va modifier l'image. Donc on pense non seulement par image avec Diderot, mais on pense par reconstruction des images. Donc il va imaginer qu'on puisse amollir les pattes des abeilles, qu'on puisse en fait produire quelque chose comme ce qu'on appellerait aujourd'hui une réaction chimique, quelque chose comme une espèce d'assemblage, d'assimilation des matières les unes par les autres. Et à partir de ce moment-là, on aura à la fois une continuité au sens où les abeilles ne seront plus séparables, mais on aura aussi une continuité au sens où de l'une à l'autre se transmettra quelque chose qu'on pourra appeler une sorte de sensibilité qui va permettre au tout de vraiment réagir ensemble, sentir ensemble. Alors c'est un élément intéressant parce que c'est aussi, depuis le début c'est notre question, hein, c'est aussi une manière de penser, ce qui caractérise la vie et ce dont il va falloir concevoir la genèse. Qu'est-ce qui permet dans un organisme cette diffusion de la sensibilité? Comment le concevoir? Eh bien c'est là que Diderot nous montre une image qui permet aussi de penser une genèse. C'est-à-dire que si on imagine que dans un organisme, par exemple quand on digère, les parties nouvelles sont progressivement aussi assimilées, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de lien très puissant, intime, entre les parties matérielles, on peut aussi penser comment on actualise de la sensibilité. Mmh. Alors, ce qui reste le plus difficile, c'est aussi la question que posait le texte qui a été lu. Ce qui est le plus difficile, c'est finalement de penser l'origine d'un individu, voire d'une espèce. Comment ce type-là d'organisation avec la sensibilité se met en place. Et c'est là que Diderot va produire d'autres types d'images. L'abeille n'aura pas exactement cette fonction-là. Oui. Bah, vous voulez nous en parler? Quel type d'image, alors, quel type d'image vous pensez? Allons-y. Oui. Alors en fait, on en a une qui est à la fois forte et qui en même temps pose ses problèmes. C'est l'image de la fermentation des espèces. Mm-hmm. On a l'impression que Diderot ici revient à un atomisme antique. Il nous dit que l'éléphant, comme le vermisseau, pourrait naître d'un coup, en quelque sorte, pourrait être le produit subi de la fermentation. D'ailleurs, certains spécialistes des sciences de la vie, comme Jacques Roger, dans les années 1960, ont pensé que c'était une grande limite de la pensée diderotienne. C'est-à-dire qu'on en revenait à un cadre atomiste, c'est-à-dire que, en gros, la nature produit des espèces indépendamment. Qu'un éléphant pourrait jaillir de nulle part, enfin, de la poussière. C'est ça, c'est ça. C'est plus complexe que ça, parce que dans ce texte, ce qui est important, je crois, c'est le pourquoi non. Pourquoi non? C'est quelque chose qui revient dans le texte, espèce de moteur de la réflexion, c'est-à-dire il s'agit de rendre concevable quelque chose, non pas d'affirmer que c'est vrai, mais de rendre concevable. Et pour cela, il faut en fait dépasser des résistances. Qu'est-ce qui nous empêche de penser ça? Ce qui nous empêche de penser ça, c'est que nous voyons l'éléphant en masse énorme, organisé. Mais nous voyons moins l'organisation du vermisseau. Or, le vermisseau, ça peut être le nom de ces petites bébêtes dont on parlait, hein, qui naissent du blé ou dans les infusoires. Donc, s'il y a des générations spontanées, s'il y a des toutes petites animalcules vivantes, des tout petits êtres vivants qui naissent à partir du végétal, pourquoi pas? C'est ça, c'est le « et pourquoi pas ?». C'est une sorte de déconfinement de la pensée. Et pourquoi pas? Allons explorer ce qui nous paraît improbable. C'est exactement ça. Et je pense qu'en fait, Diderot n'assène pas la thèse. En fait, il veut ouvrir quelque chose qui permet de penser bon, deux choses fondamentales. C'est premièrement qu'il y a un devenir des espèces. Et deuxièmement, que ce devenir, il est associé à des puissances matérielles. Alors ça va permettre, en fait, de décliner la fermentation sous un autre aspect. Mm-hmm. Ça sera peut-être moins dans le rêve de D'Alembert que dans les éléments de physiologie qu'on trouvera ça. Donc les éléments de physiologie, c'est un texte inachevé de Diderot qui est issu d'abord de notes qu'il prenait en lisant les médecins et les physiologistes, mais qui comprend aussi beaucoup d'éléments philosophiques très intéressants. Et Diderot imagine que la fermentation puisse maintenant être en fait quelque chose qui transforme de l'intérieur une espèce. En fait, la fermentation ici, pas tellement pensée comme au sens strict une opération chimique particulière, ça serait plutôt le modèle de toutes ces combinaisons qui réordonnent et qui libèrent de nouvelles potentialités. Mmh. Donc il faudrait imaginer que finalement là, ce serait d'un animal à un autre, d'une espèce à un autre, que par la fermentation interne de ces parties, il y a quelque chose comme une nouvelle combinaison qui s'opère. Et là, on peut donc penser que la fermentation des espèces, c'est plus le modèle atomiste pour produire chaque animal à partir de zéro ou à partir d'éléments inertes. C'est plus, en fait, une catégorie qui permet de penser des transformations profondes et du coup, maintenant, des passages à la fois entre l'inerte et le vivant, mais aussi entre un type de vivant, une espèce, et un autre type de vivant. Je crois que Diderot est un auteur qui a encore beaucoup à nous dire, à nous apprendre. Et que c'est un homme qui dépassait son époque de façon considérable. Il y a en lui beaucoup de choses qui annoncent le 19e siècle, que ce soit, il y a des sortes de pressentiments, par exemple, de la dialectique de Hegel, de Marx. Et il y a même des pressentiments de certaines choses que nous découvrons seulement aujourd'hui sur les rapports des arts les uns aux autres. On pourrait même appeler, il y a un certain pressentiment du structuralisme dans certaines pages de Diderot. Enfin, il y a tout dans Diderot. C'est un monde, c'est un... Je crois que c'est vraiment un auteur d'avenir. L'homme n'est peut-être que le monstre de la femme, ou la femme, le monstre de l'homme. cette idée vous serait venue bien plus vite encore, si vous eussiez su que la femme a toutes les parties de l'homme, et que la seule différence qu'il y ait est celle d'une bourse pendante en dehors ou d'une bourse retournée en dedans. Qu'un fœtus femelle ressemble à s'y tromper à un fœtus mâle. Que la partie qui occasionne l'erreur s'affaisse dans le fœtus femelle à mesure que la bourse intérieure s'étend. Qu'elle ne s'oblitère jamais au point de perdre sa première forme. Qu'elle garde cette forme en petit. Qu'elle est susceptible des mêmes mouvements. Qu'elle est aussi le mobile de la volupté. Qu'elle a son gland, son prépuce, et qu'on remarque à son extrémité un point qui paraîtrait avoir été l'orifice d'un canal urinaire qui s'est fermé. Qu'il y a dans l'homme, depuis l'anus jusqu'au scrotum, intervalle qu'on appelle le périnée, et du scrotum jusqu'à l'extrémité de la verge, une couture qui semble être la reprise d'une vulve faufilée. Que les femmes qui ont le clitoris excessif ont de la barbe, que les eunuques n'en ont point. Que leurs cuisses se fortifient, que leurs hanches s'évasent, que leurs genoux s'arrondissent, et qu'en perdant l'organisation caractéristique d'un sexe, il semble s'en retourner à la conformation caractéristique de l'autre. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, et ce texte est extrait du rêve de D'Alembert, lu par Denis Podalydès. Qui est le monstre de qui ? François Pépin, ce texte est absolument hallucinant, puisqu'il y a quand même l'hypothèse selon laquelle l'homme ne serait peut-être que le monstre de la femme, ou la femme le monstre de l'homme. Une hypothèse émise par Mademoiselle de Lespinasse, à laquelle Borde répond par cette tirade, qu'on n'a même pas entendue en entière, elle continue, qui semble dire qu'au fond, entre l'homme et la femme, il n'y a presque pas de différence. La seule différence, c'est celle d'une bourse pendante en dehors ou d'une bourse retournée en dedans. Oui, c'est un texte tout à fait incroyable. On peut peut-être le souligner encore plus en le replaçant dans son contexte. C'est-à-dire oui. qu'il y a la question du rapport entre les deux genres, ça c'est tout à fait important, on y reviendra, mais c'est aussi lié au fait que le monstre devient finalement un modèle pour comprendre les relations entre les êtres, entre les espèces et même à l'intérieur d'une espèce. Et juste avant, Diderot, toujours dans le dialogue, donc je dis Diderot pour simplifier, mais les deux personnages étaient en train d'imaginer que les monstres, au sens, semble-t-il, anomalie de la nature, écart, les monstres sont produits par le fait qu'il y a une sorte de mécanique extrêmement complexe, à la fois dans la procréation avec les deux semences ou les deux apports du mâle et de la femelle, mais aussi dans le devenir. Donc en fait, cette espèce d'histoire du vivant fait qu'il est très susceptible de produire des monstres. Mais à ce moment-là, on pourrait encore considérer que les monstres sont des écarts par rapport à une norme. Mmh. Bon, en fait, on se rend compte que la norme, elle est statistique, et qu'elle est même mieux que statistique, si je peux dire, c'est-à-dire elle est liée à la question de la survie. Autrement dit, qu'il n'y a pas de monstre dans l'absolu. Un écart, c'est finalement une simple différence, et il y a de toute façon des différences, peut-être plus faibles, il y a toujours des différences. Il y a un principe de variation qui est au cœur, non seulement du vivant, mais de la nature chez Diderot. Ce qui permet du coup maintenant de revenir à la question du rapport entre les deux sexes. Est-ce qu'il y a une norme? Est-ce qu'il y a un modèle? Est-ce qu'il y a un écart avec, on pourrait presque dire, deux types bien définis? Eh bien non. L'homme et la femme sont le monstre l'un de l'autre, et cette formule est extraordinaire, parce que ça signifie qu'il n'y a pas de monstre, puisque pour qu'il y ait un monstre, il faut qu'il y ait une norme au moins statistique, et là, il n'y en a pas. Donc l'important, évidemment, c'est l'inversion, le monstre de la femme, ou la femme le monstre de l'homme, c'est-à-dire les deux, en fait, les deux. C'est-à-dire que comme on peut encore imaginer un passage d'un type d'organisation, notamment pour les organes sexuels à l'autre, on peut aussi penser que, d'une part, les deux sont produits par les mêmes forces naturelles, l'homme et la femme, mais aussi qu'il y a simplement une variation entre les deux. Donc, il n'y a pas de norme. Alors, pour l'instant, c'est plutôt quand même de la physiologie, mais on peut aussi éventuellement penser le moral de la chose. Il n'y a pas forcément de supériorité non plus d'un sexe sur l'autre, pas forcément non plus de normes sociopolitiques qui pourraient faire que l'un est plus apte à ceci ou à cela. Alors, Diderot ne le dit pas à ce moment-là, et ça pose d'autres problèmes chez Diderot, cette question-là. Mais dans cette affirmation-là, on a vraiment une annulation profonde de la question de la normativité par rapport au vivant. Et je crois que c'est extraordinaire, parce que quand on lit ça, on voit... Alors, j'aime pas beaucoup parler de pressentiment, parce que ça me semble être une manière plus prudente de ne pas dire précurseur ou anticipateur. Mais on a plutôt une idée, je dirais, puissante de Diderot, qu'on trouve, par exemple, aussi sous une autre forme chez Darwin. C'est-à-dire que pour penser le vivant, la première chose à faire, c'est de penser la variation. Ben on sent qu'il n'est pas très loin, Darwin, de toute façon, dans ce texte. Hein. Ah, y a vraiment quelque chose d'étonnant de ce point de vue-là. Alors, il faut faire attention dans la comparaison parce que Darwin s'appuie sur une masse de données considérable et c'est pas le cas de Diderot. Darwin a aussi une théorie bien articulée et précise. Diderot est plus là en train d'émettre des hypothèses articulées, hein, bien sûr, mais des hypothèses qui essaient de, on pourrait dire, attraper le phénomène par différents aspects. Mais il y a quand même, je pense, un lien très profond ici sur le fait que c'est d'abord la variation. Que Darwin, par exemple, parle d'espèces douteuses. Il n'utilise pas le terme de monstre, parce que lui, je dirais, à l'inverse de Diderot, mais ça revient, je crois, in fine, à peu près au même. Il va considérer, puisqu'il n'y a pas de normes autres que statistiques, puisque tout est variation, puisque les espèces varient et qu'à l'intérieur d'une espèce, les individus montrent des différences entre eux, finalement, il n'y a pas de monstre. Alors, on pourrait dire que chez Diderot, c'est le contraire. Plus il y a de monstres, et plus finalement on annule la dimension normative du concept, mais je crois que profondément il y a une certaine communauté de pensée dans cette idée que d'une espèce à l'autre, il y a seulement variation, d'un individu à l'autre, dans une même espèce, il y a seulement variation, et d'un sexe à l'autre, il y a seulement variation. Oui, ce qui paraît vraiment complètement dingue, et juste pour s'arrêter sur cette question de la différence des sexes qu'abordait le texte qu'on a entendu, vous l'avez dit finalement pour Diderot, vous venez de le dire, ça n'est qu'une variation entre l'homme et la femme. Diderot ne va pas en tirer des conclusions féministes, on dirait aujourd'hui, dans ce texte, mais on peut lire ainsi l'importance du personnage de Julie de Lespinasse, qui n'est pas que le porte-parole de D'Alembert dans le texte. Oui, tout à fait. Il y a ici une question assez complexe. C'est vrai que si on veut introduire le terme de féminisme, à mon avis, on va peut-être un peu écraser la question. Ouais. Ça va être assez délicat parce qu'il n'y a pas dans ce texte de revendication, il n'y a pas non plus de question strictement posée en termes d'égalité. C'est pas tellement comme ça que je crois que ça se présente. C'est plutôt l'intervention de Julie de Lespinasse, c'est la manière qu'elle a de prendre de plus en plus d'ampleur dans le texte qui est remarquable. En particulier avec le troisième dialogue, puisqu'elle amène la question. Et en plus, c'est une question qui ne convient pas à son sexe. C'est ce que disait Diderot dans la lettre à Sophie Volant, que vous lisiez. Oui. C'est-à-dire qu'il lui dit, mais bon, ça, c'est pas pour vous. Pourquoi ? C'est un sujet qui va vous déplaire. C'est un sujet qui est quand même un peu choquant. On va quand même imaginer des chèvres-pieds qui sont produits par la procréation d'un homme et d'une chèvre. Donc on va quand même imaginer des choses qui sont bien gênantes, en particulier, vu non pas la nature des femmes, c'est pas comme ça que ça se présente pour Diderot, mais vu la nature de l'éducation qu'on donne aux femmes à l'époque, vu aussi la question de la bienséance, qui est quand même importante, parce qu'on vit dans une société. On ne peut pas passer pour un affreux ou une affreuse en permanence, pour Diderot. Bon, vu ces données-là, ce n'est pas une question pour l'amoureuse de Diderot. Alors pourtant, c'est quand même une question non seulement pour Julie de Lespinasse, mais qu'elle introduit. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'audace intellectuelle, et elle sait sortir de son sexe. Alors, c'est une formule qu'on peut comprendre, qui est présente quasiment en ces termes dans le rêve de D'Alembert, qu'on peut comprendre en disant que Diderot, du coup, assume le fait qu'il y a une différence des sexes et que la philosophie, ça ne serait pas pour les femmes, ou la philosophie très audacieuse, ça ne serait pas pour les femmes. Je crois que c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que c'est une donnée qui existe, Diderot est bien obligé de le reconnaître, les femmes sont exclues ou, si ce n'est tout à fait exclues, ne sont pas les mieux placées pour entrer dans un certain nombre de discussions et de sujets, mais justement, Julie de Lespinasse va le faire. Et c'est aussi elle qui, à un moment donné, alors que D'Alembert est en train de se réveiller et il entend le médecin Bordeux utiliser des termes comme ce qu'on vient de lire, hein, c'est-à-dire des termes qui désignent les organes sexuels, et puis dit « mais vous dites des ordures à Madame de Lespinasse ou Mademoiselle de Lespinasse », et elle lui dit « mais taisez-vous, nous discutons, voilà, je suis peut-être une femme, mais je peux bien parler de scrotum, de verge, etc. » Alors, c'est pas elle qui va utiliser les mots, c'est Bordeaux, mais elle veut bien parler de ça, et elle veut bien en parler avec audace et avec précision. Diderot, en philosophie, n'est personne. Il n'a point de système. Il a de la passion philosophique, mais il n'a point de philosophie. Il a des tendances, des élans, des fougues philosophiques qui le précipitent dans le matérialisme général d'un temps assoiffé de cette fange. Et il court boire à cet abreuvoir comme une bête altérée. Tête de feu plus que de lumière, il avait, joint à ses passions, les passions d'une époque enflammée de haine contre toute spiritualité. Et de tout cela, mêlé, confus et bouillonnant dans la cuve fumante de son cerveau, il ne devait guère sortir cette chose équilibrée, combinée, organisée, calme et redoutable qu'on nomme une philosophie. Cet homme qui était suprêmement un artiste, par l'enthousiasme et par l'expression, eut toujours la rage d'être philosophe. Il jouait à la philosophie, encore plus qu'aux échecs du café Procope. Il mettait sa puissance artistique à cette belle œuvre d'être philosophe. Il s'y obstina, il s'y acharna, il s'y exaspéra, il s'y échevela et il y ruina un esprit superbe. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et le texte que je viens de lire, François Pépin, d'une cruauté absolue, est celui de Jules Barbet d'Aurevilly dans son ouvrage sur Goethe et Diderot, qui semble très clairement ne pas reconnaître, enfin pas qui semble, qui ne reconnaît pas à Diderot le titre de philosophe, ce serait au mieux un artiste. Et quand on écoute précisément ses arguments, on y entend en fait que ce qui le gêne, c'est son matérialisme. Et déjà à l'époque de Diderot, ça gênait, à l'époque de Barbet d'Aurevilly aussi. Comment expliquez-vous que le matérialisme soit si difficilement recevable ? Ah, c'est une bonne question. Si vous voulez, je prendrais bien un petit pas de côté pour répondre. Il y a beaucoup de chercheurs japonais spécialistes de Diderot, et je leur avais posé la question de savoir pourquoi ils s'intéressaient à Diderot. Est-ce que c'était en raison du matérialisme ? Bon, il y a plusieurs réponses qui m'ont été données, mais pour eux, le matérialisme, c'est très intéressant, mais en quelque façon, c'est assez naturel. Surtout un matérialisme qui essaie d'ancrer la vie au moins sous ses formes potentielles et premières dans la matière, dans un régime intellectuel, dans une civilisation non marquée par le christianisme et par les dualismes. C'est assez naturel, donc c'est intéressant, mais c'est finalement pas le plus déroutant chez Diderot. Au contraire, j'ai envie de dire, on s'y retrouve. Donc je crois que pour nous, et chez Barbet c'est évident, le grand problème dans la question du matérialisme, c'est que il y a eu le christianisme qui a posé un certain nombre de dualismes, et il y a aussi la question du rapport de l'homme à la nature. Est-ce que l'homme est un empire dans un empire, pour paraphraser la formule de Spinoza? Est-ce qu'il faut lui attribuer une législation spéciale? Est-ce qu'il y a des normes qui sont au-delà de l'animalité dans les rapports humains? Par exemple, on parlait de la sexualité. Et dans le petit documentaire que vous aviez produit tout au début... Oui, l'Archivina, oui. Aussi, ouais, c'était tout mignon. Mais en même temps, on a cette question qu'on pourrait formuler. Est-ce que ces termes-là doivent être dans la bouche des enfants? Alors, ils ne les comprennent pas, donc ça va. Mais est-ce que ça doit être dans la bouche de Mademoiselle de l'Espinasse? En gros, c'est toute cette gêne autour de la sexualité, cette connotation qui serait liée au fait que ça serait bas, vil, animal, fait que le matérialisme de Diderot peut penser inacceptable et gênant. Ce qu'on peut retenir aussi de la critique acerbe de Barbet, c'est que il mélange deux choses, comme souvent on va le faire, c'est-à-dire que pour attaquer le matérialisme, mais sans le combattre sur le plan philosophique, on va l'attaquer par la forme. On va dire Diderot, en gros, tout est dans tout, à la fois c'est sa philosophie, et en même temps c'est sa manière d'écrire. Donc ça manque d'ordre. Or, c'est exactement la très grande force de Diderot, que de relativiser l'ordre, y compris dans sa manière d'écrire, de penser qu'on fait de la philosophie pas seulement en produisant des doctrines, qu'il faut être capable de se rendre attentif à des processus, à des images, à des passages, à des choses infiniment complexes. Et dans sa manière d'écrire, on retrouve en quelque sorte quelque chose de cette combinatoire atomiste, de cette pluralité des voix, de cette manière d'essayer de rendre pensable quelque chose, même si on n'est pas sûr de pouvoir le concevoir d'une manière absolument claire. C'est plus un effort philosophique qu'une doctrine, si l'on veut. Mais c'est ça la très grande force de Diderot. Et moi, quand j'entends cette citation de Barbet, et puis même quand j'ai lu ça il y a quelques années, le livre de Barbet sur Goethe et Diderot, ce qui me frappe, c'est que Il transforme en accusation ce qui, pour moi, est génial chez Diderot, justement. Alors, il faut quand même que je sois juste. C'est-à-dire que plus tard dans le texte, Barbey d'Aurevilly reconnaît pas le génie, mais le talent du texte, Le rêve de d'Alembert. Il dit c'est certainement le plus osé des écrits matérialistes de Diderot. Il y a là un talent indéniable et très particulier qui vient de cette nature composite où le poète et le métaphysicien se font échec l'un à l'autre, bon, là quand même, et produisent en se choquant ce brillant hybride que fut Diderot. C'est quand même ce qu'il écrit aussi. Donc il reconnaît que le rêve de d'Alembert n'est pas un texte médiocre. Non, c'est difficile d'ailleurs d'affirmer que le rêve de d'Alembert... Ah, avec beaucoup de mauvaise foi, on y arrive. Avec beaucoup de mauvaise foi, oui. Mais en fait, ça reste, je crois, une manière de mettre à distance Diderot. C'est-à-dire on va lui reconnaître une puissance poétique, on va reconnaître que ça a nourri sa philosophie et que ça a produit quelque chose d'inclassable, de très étonnant. Mais on va aussi considérer que c'est un obstacle. Ça a empêché Diderot d'être un vrai philosophe. C'est toujours la même idée, c'est que la poésie, ça serait plutôt nuisible à la philosophie. Le côté très ludique, le côté très dynamique du texte aussi. Alors, je crois que c'est une chose qui, pour le coup, est plus un point de vue du XIXe siècle et du XXe siècle, à l'époque de Diderot. C'était pas le problème. Si Diderot était un philosophe, P majuscule, le philosophe même, comme on disait. C'était pour des textes comme la lettre sur les aveugles, aussi pour les articles de l'encyclopédie. Et donc, il n'y avait pas cette même réserve sur la forme, sur la manière d'écrire, même si on a quand même reproché à Diderot, au XVIIIe, son côté bouillonnant. En revanche, le matérialisme, c'est, du XVIIIe jusqu'à nos jours, une vraie question. Et c'est ça qui est intéressant avec Diderot, je crois, c'est qu'il a une manière de prendre le matérialisme qui est bon, de l'assumer pleinement, mais de ne pas se contenter d'en faire une doctrine un peu sûre d'elle, ou de ne pas non plus, comme le ferait plutôt son ami d'Holbach, ne pas se contenter de l'argumenter. Il s'agit aussi de montrer que le matérialisme est une philosophie vivante, que ça n'a rien ni de vil, ni de, on pourrait dire, frustrant, que n'être que matière, être parcouru d'un certain nombre de processus, être en vicissitude, comme il dit souvent, ça n'est finalement pas un problème. C'est même assez joyeux de pouvoir sentir cette vie en soi. Est-ce que Diderot est encore beaucoup étudié aujourd'hui en France ? Oui, alors c'est plutôt d'ailleurs, je dirais, l'inverse, il faudrait dire, il est de plus en plus étudié. D'accord. Il a été redécouvert plusieurs fois, il a été redécouvert à la fin du XIXe siècle, parce qu'on a pu éditer un certain nombre de textes qu'on ne connaissait pas, comme les éléments de physiologie, ou qu'on connaissait seulement par certains usages pendant la Révolution française. Il a été beaucoup aussi étudié quand on a ouvert ce qu'on appelle le fonds Vandel, ça c'est au XXe siècle, c'est-à-dire on a redécouvert, Vandel c'est le nom de mariage de la fille de Diderot, on a redécouvert un certain nombre de textes et de manuscrits parce que la famille Diderot, ou la famille plutôt de... la belle famille, disons, de la fille Diderot avait un peu laissé traîner ces textes-là. On ne savait plus trop où ils étaient. On a donc redécouvert des textes. Diderot, c'est un auteur qui, comme il n'a pas publié l'essentiel de son œuvre ou toute son œuvre, à part le gros morceau, l'énorme morceau qu'est l'encyclopédie et quelques autres textes, Diderot donc est un auteur qu'on redécouvre aussi en fonction de l'histoire de ses textes. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'aujourd'hui, Diderot... je dirais, résonne bien avec un certain nombre de problèmes de notre temps. Il y a les questions d'origine de la vie, il y a la question de la relativisation des normes, il y a la question aussi de la monstruosité, de l'annulation, on pourrait dire, du caractère normatif et parfois aussi moral. Il y a énormément de questions dans sa réflexion sur la vie qui, aujourd'hui, trouve un écho. Et notamment, je pense que s'il y avait une question transversale qui pourrait permettre de mettre en avant la profondeur de la pensée Diderot, c'est la pensée de la contingence, c'est-à-dire de retrouver du hasard, de retrouver de la combinatoire, de retrouver non seulement des transformations, mais des combinaisons de transformations à toutes les échelles dans la vie. Et donc une manière finalement de destituer complètement la question de l'ordre ontologique. L'ordre, ça n'est qu'une apparence provisoire. Et je précise que beaucoup d'œuvres de Diderot sont au programme de l'agrégation externe cette année d'ailleurs, et on s'en réjouit. Un tout dernier point, François Pépin, tout ce que vous dites et qui donne très envie de lire Diderot et de relire des textes qu'on ne connaît pas forcément et qui en montre aussi toute la modernité. Il y a quand même quelque chose, me semble-t-il, en tout cas moi j'en fais l'expérience à chaque fois que je le lis, Diderot nous emmène là où on n'était pas forcément prêt à aller. Il y a une sorte de prise de risque, il bouscule tellement les catégories traditionnelles de la pensée et de la philosophie, que c'est toujours une expérience qui laisse pas vraiment indemne au fond. C'est presque de l'inconfort dont on peut jouir, mais il nous sort de, comme on dit aujourd'hui, notre zone de confort, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et même quand on étudie Diderot, quand on travaille Diderot, quand on reprend certains textes, on est encore un peu perturbé dans nos catégories. Ouais. C'est pour ça que c'est un auteur extrêmement formateur. Quelle bonne idée de l'avoir mis au programme de l'écrit de l'agrégation, parce que il n'y a pas que la philosophie qui divise, qui construit des catégories et qui essaie de les proposer d'une manière, je dirais, dichotomique. Il y a aussi une philosophie qui essaie d'annuler les grands partages, qui essaie de passer. Ça ne veut pas dire confondre, passer d'une catégorie à l'autre. C'est ça qui est difficile chez Diderot. C'est que c'est un auteur qui sait quand même très bien distinguer. On parlait par exemple de sensibilité. Il y a plein de formes de sensibilité. Celle de la molécule n'est pas celle de l'animal. Et donc il faut être capable d'être finalement dans le repérage de nuances très profondes. Effectivement, c'est un philosophe qui est difficile à lire, même s'il est très agréable à lire, et qui est formateur parce que justement, il nous apprend à penser les choses autrement. C'est ça. Et en fait, il faut le lire plusieurs fois. C'est le conseil que je donnerais aux auditeurs. Bien sûr, il faut et c'est très agréable. Et voilà, et c'est pas un effort. Merci infiniment François Pépin de nous avoir transmis votre goût, votre intérêt, votre enthousiasme pour la pensée de Diderot. Je renvoie à votre livre La philosophie expérimentale de Diderot et la chimie, philosophie, science et art aux éditions Classique Garnier. Et on se quitte, on va remonter aux origines de la vie humaine. On se quitte avec Juliette. Fille Lucie me donne bien du souci. Un peu bipède, un peu bimane, super hypertrophiée du crâne. Elle a pas de poil, elle est toute blanche. Elle refuse de grimper aux branches. Puis elle a de drôles de manières, debout sur ses pattes de derrière. Foi d'animal, c'est pas normal de se tenir à la verticale. C'est pas logique, c'est pas joli, c'est pas pratique, c'est mal poli. Ce qui manque à ma demoiselle, c'est l'autorité paternelle. Son père, n'en parlons plus. Il y a longtemps que j'ai fait une croix dessus. Il m'avait dit bouge pas, attends. Je n'en ai pas pour bien longtemps. Je vais au mammouth et je reviens. Et depuis ce jour-là, plus rien. Ma fille Lucie me donne bien du souci. Il faut que je fasse bien attention à surveiller ses relations. Avec son cousin, elle fricote. Ils font que traîner dans les grottes. Ils s'amusent avec la peinture à faire des dessins sur les murs. Mais partout où ils sont passés, je les oblige à tout effacer. Une caverne, on doit la laisser dans l'état où on l'a trouvée. Ce cousin, moi, il m'inquiète. Lui aussi, il a une grosse tête. Quand il la prend entre ses pattes, que du putatifice la gratte. Il reste inactif, accroupi. Alors il dit qu'il réfléchit, il voudrait que sa vie ait un sens. Monsieur cogite, monsieur pense. Et oui, monsieur cogite et monsieur pense sur France Culture, les chemins de la philosophie. Surtout Aurélien Bélanger, tous les jours, pour sa question philo. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Et bonjour Adèle. Votre question aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce qu'un classique? Alors, la définition la plus facile, c'est de dire que c'est un livre qu'on relit. J'ai lu 3 ou 4 fois Madame Bovary ou La recherche du temps perdu, et j'y ai trouvé à chaque fois quelque chose de nouveau. L'histoire, par exemple, de la fille d'Emma qui disparaît, pire que morte, dans le monde ouvrier à la fin du roman de Flaubert, cela m'avait échappé les autres fois. Le fait que l'écrasante majorité des métaphores proustiennes soient d'obédience scientifique, au point de donner du narrateur l'image d'un savant fou de roman feuilleton, cela aussi, jusqu'à ma dernière lecture, ça m'avait échappé. Mon dernier Flaubert est ainsi marxiste, et mon dernier Proust, auteur de science-fiction. Mais rien n'égale les métamorphoses de Lucien Rubempré, qui change du tout au tout à chaque nouvelle lecture des Illusions perdues. C'était moi, initialement, ce pauvre provincial égaré à Paris, mais le redécouvrant plus tard et habitant Paris, je n'ai plus eu que mépris pour ses maladresses angoumoisines avant de lui pardonner à ma troisième lecture. Ce n'était pas lui qui était ridicule, mais la sociologie parisienne. Angoumoisine ? Ça veut dire quoi? Je crois qu'on dit ça pour angoulémien. Ah, d'accord, vous me l'apprenez. Je crois, ouais. Donc en fait, si je vous suis un classique, c'est un livre qu'on redécouvre sans cesse. Oui, qu'on redécouvre à condition de ne pas avoir là un privilège épistémique. Le classique, c'est aussi quelque chose qui nous résiste parce qu'il se tient d'une certaine manière sans nous. C'est lui qui tous les 5 ou tous les 10 ans revient nous voir et nous redécouvre. Lui, bien sûr, il n'a pas changé en ce sens. C'est le classique qui nous lie et qui nous relie. Et c'est d'autant plus vrai que le monde dans lequel on vit procède du classique. Nous sommes, d'une certaine façon, un personnage secondaire du monde que ce livre a changé. On ne peut plus être mélancolique innocemment après Chateaubriand. On ne peut plus être un adolescent au premier degré après le jeune Werther. Et c'est justement, je crois, le sens profond de cette phrase de Goethe. Rien de ce qui a eu un grand effet ne peut plus être jugé. L'effet pervers étant que le classique souvent nous tombe des mains, il a l'air de réinventer l'eau chaude et d'enchaîner les lieux communs. Oui, un classique, c'est ce qui changerait le monde en fait, au point de s'y dissoudre lui-même. Alors justement, dans Sens unique, Benjamin raconte sa visite en rêve à la maison de Goethe. À la fin du rêve, il signe le livre d'or et il découvre que celui-ci, il a déjà été signé de son nom, d'une grande écriture aux lettres enfantines. L'allégorie est transparente. La maison de Goethe, c'est le kindergarten de tous les enfants allemands des années 1900. On sait cependant que cela n'a pas empêché Benjamin de devenir, 20 ans plus tard, le plus grand spécialiste allemand de Goethe et donc son meilleur lecteur. Comme s'il avait fallu en passer par là pour reconquérir son enfance et retrouver le langage naïf de cet enfant qui formait des lettres trop grosses et qui ne savait pas encore qu'il ne ressortirait jamais de la maison de Goethe. Donc en fait, le classique est presque de l'ordre de l'enchantement. Et justement, cette hypothèse, si on la pousse jusqu'au bout, nous conduirait à dire que le classique n'est pas écrit en langue vernaculaire, mais qu'il relève en dernier lieu de la formule magique. Cela m'amène à ma définition préférée du classique, celle de Nabokov. Est classique ce qui ne perd jamais rien à la traduction, que même un traducteur abominable n'arrivera pas à détruire. Nabokov s'arrête là, mais Benjamin irait plus loin. La raison de cette immunité du classique, dirait-il, c'est qu'il est écrit dans une langue adamique, et que son auteur n'en est jamais que le premier traducteur. Et l'éternité que nous concédons au classique en le rangeant dans notre bibliothèque, cela pourrait tout aussi bien être lui, comme un talisman qui nous en offrirait un aperçu. La seule chose qu'on fait au paradis, c'est de relire des livres. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un immense merci à mon extraordinaire équipe des Chemins de la Philosophie qui prépare chaque jour cette émission pour vous. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni avec Manon de la Selle, Avril Poignant-Legoff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Hélès Esther Valency qui réalise pour vous cette série d'émissions sur Diderot. À la prise de son aujourd'hui, c'était Sylvain Latu. À la lecture des textes cette semaine, c'est Denis Podalydès. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Diderot. Demain, on sera en compagnie de Florence Lautry. On parlera du texte de Diderot, La Religieuse, à l'occasion d'une journée spéciale autour de la laïcité, car demain, nous serons le mercredi 9 décembre, date anniversaire de la loi sur la séparation des églises et de l'État, en 1905. Guillaume Erner recevra l'historien Patrick Veil dans Les Matins, Marie Richeux recevra la comédienne Rachel Kahn dans son émission Par les temps qui courent, et France Culture vous proposera également dès demain un podcast inédit. Ils ont pensé la laïcité, et donc nous, on le fera avec Diderot. SOS d'une religieuse en détresse, ce sera le titre de notre émission. D'ici là, vous pouvez bien sûr la réécouter en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie, ou en téléchargeant l'application Radio France, où vous pouvez écouter les émissions en direct, mais aussi donc en podcast pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. On se retrouve donc demain à 10h, mais d'ici là, surtout, restez à l'écoute sur France Culture.